Allô, l'on dit c'est quoi les bails, rejoins-moi dans le club. Sur la A1 Merco argenté, la petite elle est folle, elle veut me passer les menottes. Elle veut le soleil comme en argenté. J'ai capturé son visage, on m'a dit l'amour ça tue. Je la chouchoute et je l'habille en Versace. Je me le contacte et je l'emmènerai vers Saturne. Les poches pleines, j'ai de quoi la faire craquer. Un peu trop jalouse, elle veut me prendre pour toute la night. Après minuit, je réponds plus, je fais des sous dans toute la night. Bébé veut goûter la qualité. Ce soir, je bibi, m'en veux pas, c'est mort. Et l'atmosphère est napolitaine. Le duo est mauvais, c'est le coup du sort. Combien j'ai donné, t'as pas idée. Autour de moi, j'en ai causé du tort. Bébé veut goûter de la qualité. Ce soir, je bibi, m'en veux pas, c'est mort. Peut-être que je t'emmènerai tout là-bas. Elle fait la meuf un peu trop vénère. C'est plus la même quand je la ramène claquée chez Balenciaga. Un peu trop jalouse, elle veut me prendre pour toute la night. Après minuit, je réponds plus, je fais des sous dans tout banal. Bébé veut goûter de la qualité. Ce soir, je bibi, m'en veux.